En Corée du Sud, Légion pour la paix et la réunification et autres organisations civiles et sociales ont tenu le 26 devant l'ambassade américaine à Séoul une conférence de presse relativement à la visite d'Obama à Hiroshima. Les orateurs ont indiqué que de nombreux Coréens au Japon qui étaient enrôlés et réquisitionnés de force ont été victimes des bombes atomiques américaines et déclaré que le président américain doit présenter absolument les excuses aux morts coréens et autres victimes.